Est-ce que tu vois pas d'inconvénient à ce qu'on appelle Sandy pour qu'elle puisse parler avec Gérard? Pour parler un peu dessus. Ouais, mais Gérard va être d'accord, vous croyez? Oh, je sais pas, Gérard, de toute façon. De toute façon, Gérard, c'est un enculé, c'est un gros bouffon. Non, mais attends, Gérard pourra te défendre. Gérard sera derrière, à mon avis, Sandy. Hein. D'accord. Alors attention, on y va, c'est parti. On appelle Sandy, la copine de Gérard, pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Peut-être qu'on sera des monsieur, madame, tiens, ça m'a pris tout à l'heure comme envie de pisser. Je dois bien le faire. Ouais, peut-être des monsieur, des madame, c'est qui, quoi, je sais pas. Allô, Sandy, c'est DJ Maxime, j'ai envie de te voir. Non, attends, DJ Maxime, moi, tu peux me parler. J'ai envie de t'enculer dans tous les coins. Attends. Mais moi, j'en ai rien à foutre de ta gueule. Mais toi, t'es une pisseuse, t'as jamais fait de ta vie, t'es une salope. Mais quoi, je suis une salope? Qu'est-ce que t'en sais que je suis une salope? Sandy, Maxime, il est à moi, tu le lâches. Hein. Moi, Gérard, c'est un enculé, Gérard. Non, mais je le garde, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, t'arrêtes de l'appeler, quoi. Sandy, c'est une petite pétasse, Sandy. Mais j'en ai rien à foutre de ta gueule, c'est même pas comme ça qu'ils font parler pour m'avoir. De toute façon, je t'aurais, je te baisserai dans tous les trous, je t'enculerai dans tous les trous. Arrête. Alors déjà, ça s'appelle pas Cindy, mais ça s'appelle Sandy. Sandy, je te prends dans tous les coins. Ça va, Sandy, ma petite chérie? Ouais, enfin, ça va, mais DJ Maxime, il croit que c'est comme ça qu'il peut avoir des nanas. Non, mais il est fou, ce mec, hein. Mais il a qu'à prendre une autre nana, mais pas moi, en tout cas. Moi, j'en ai strictement rien à foutre de sa gueule. Mais c'est une petite salope, Cindy. Mais qu'est-ce que pourrais-tu dire? Tu sais, t'as jamais tiré ta crotte, Gérard, c'est un enculé, Gérard. Comment ça, de quoi? J'ai jamais tiré ma crotte? Non, j'avais tiré ta crotte. Attends, on va appeler Gérard, il nous entend derrière? Non, reste avec nous, Sandy, on va appeler Gérard. Attends. On va appeler Gérard sur le portable, comme ça vous avez tous les trois à l'antenne. Gérard. Ça va être le bordel. Ça va être chaud. Oh là là. Attends, moi, j'en ai rien à foutre de. Attends, Ingrid, t'es là? Ouais, mais Maxime, il est à moi, quoi, y'a pas moyen. Hein. Attention, ouais, moi, y'a pas de problème, moi, je te le laisse, moi, j'en veux. Mais non, t'arrêtes pas d'appeler, Ouais, toi, t'es quoi, toi? T'es un macron. Toi, t'es un branleur, je peux dire, tu vas te faire enculer par les mecs. Et toi, t'es un gros macron. Et toi, t'es un piccolo, toi, tu t'as jamais baisé, Gérard, ta vie. Mais va te faire enculer, va te faire enculer, va te faire mettre par les bougnoules. Non, stop, tu vas trop loin, là, tu dis n'importe quoi. Ouais, tu vas tirer, c'est bon. Que je te donne, le jour où je te vois, je te nique ta mère, moi. Moi, je te vois, parle-moi tout ça. Oh là là, mais t'es fou, Maxime. Je l'aime pas, Gérard, je peux pas le saquer. Mais c'est pas une raison pour insulter les gens comme ça. Je l'encule aussi, Gérard. Oh, mais non. Dans ce débat, il est nul, il est tout cassé. Bon, alors, en reparlons, essayons de dialoguer calmement avec Sandy. Juste Sandy, s'il te plaît, Manu, et après on remettra Ingrid. Sandy. Non, mais moi, ce que j'ai à lui dire à Didi Maxime, c'est que j'en ai rien à foutre de sa gueule, c'est tout. Il a pas à dire, il croit que c'est en parlant comme ça aux nanas, oui, je vais t'enculer et tout. Mais t'as raison. C'est pas comme ça qu'il faut parler à une nana. T'as raison, Sandy. Elle a besoin de tendresse, T'es pas d'accord, Maxime? Je suis d'accord, Gérard, je peux dire que c'est une grosse merde. Non, mais on parle. Mais t'en sais rien, si c'est une grosse merde, tu l'as jamais vu, pourquoi t'as. Parce que dans ce débat, il est nul, il vaut rien. D'accord, mais on parle. Mais alors, c'est pas toi qui fais les débats. Sandy, je peux dire, pourquoi je cherche la merde? Parce que je l'ai jamais aimé, Gérard. D'accord, mais on est pas là pour parler de Gérard et pour parler de ses débats. Sandy, je peux dire, j'accepte de. Te pardonner, je t'emmerderai plus. D'accord. Non, mais moi, j'en ai rien à foutre de toi, tu comprends pas. J'ai envie de t'enculer quand même. Quoi? J'ai envie de t'enculer, de toucher la chatte. Mais moi, j'ai. Bon, alors là, essaye de faire quand même. Je vais t'enculer dans tous les trous, je vais te prendre partout. Non, c'est bon, allez, c'est bon, on va arrêter là. Ça, c'est pas possible, on va jamais y arriver là, c'est pas possible. Gérard, la seule chose que j'ai à dire à Didi Maxime, c'est que j'en ai rien à foutre, tu peux tout essayer. Et toi, t'es une pucelle. Hein? T'es une pucelle, t'es une pétale. Non, je suis pas une pucelle, parce que je te signale que j'ai déjà eu un gamin et le gamin il est mort. Alors, hein. Non, bah, c'est bon, on arrête. Stop! Non, mais là, l'émission ça tourne trop loin. Stop. Sandy, pas besoin d'aller dire ça à l'antenne quand même, franchement. Non, mais lui il m'énerve aussi. Bah, je sais, j'aurais pas dû, il va trop loin. Maxime, tu vas trop loin quand même. Je vais trop loin, je l'ai jamais aimé, la copine de Gérard. Ouais, mais alors t'aimes pas la copine. Non plus, je t'ai jamais aimé, de toute façon, t'as vu comment tu parles à une nana, tu crois que. Je peux dire, je les chauffe, les nanas, j'ai une copine, j'y vais au cul, ma copine. Et attends, c'est pas parce que je suis une nana. J'y vais au cul, je peux dire, t'es moche, tout. Tu as dû le voir des gros, t'as McDonald's, tu dois être grosse. J'ai pas à plaire, ni à toi, ni à qui que ce soit. Tu dois être grosse, là, tu dois être laide. Non, je suis pas grosse. Tu dois être laide, je peux dire, tu dois être grosse. Non, je veux dire, elle est pas grosse parce que même Gérard, même Fildar a réussi lors de ses défis de la porter, elle est très légère, elle sera string dessous. Ouais. Mais ça te regarde pas si je porte des strings. D'ailleurs, si t'as des strings, tu dois avoir une chelou chouchoude. On peut le dire. Gérard et Sandy seront présents dans les studios jeudi soir. Jeudi soir, je vais les chauffer là. Ouais, bah j'espère qu'il n'y aura pas toi dans les studios, hein. Non, il y a moi dans les studios. Non, non, non, dire. Il sera pas là, il sera pas là. Bon, Sandy, excuse-moi. Oui, je suis désolé. Je contrôle, c'est pas grave, hein, on contrôle pas Maxime. Bon, bah Maxime a du mal à dialoguer. Gérard, j'espère que bon, bah de toute façon Gérard s'en est très bien sorti. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il l'a bien dit d'ailleurs. Il a bien parlé. Tu quittes pas, je te repasse le standard, Sandy. Ok. D'accord. Je t'embrasse. Et t'embrasse mon pote Gégé, hein. Ok, j'y manquerai pas. Ciao mon pote Gérard. Ciao.